Eh bien, il est 19h, Radio Montpaïs et le retour de Vodatroot. Retour tellement attendu, peut-être plus par nous que par vous. Mais ça nous fait du bien d'être là tous ensemble. Pour les quelques auditeurs qui nous écoutent. Ils sont de plus en plus nombreux. Donc Vodatroot de retour sur les ondes de Radio Montpaïs. Pour une émission, on s'est dit qu'on allait faire... On allait parler de ce qu'on avait vécu, ou tout du moins de vous faire ressentir à travers la musique, voire à travers des livres, ce qu'on a ressenti pendant ces 2-3 mois. Je sais jamais, tu m'as dit. Moi, je suis encore dedans, là, un petit peu, je sais plus trop de. on va parler un petit peu de ça, de ce confinement, et du coup, on va totalement déconfiner musicalement, puisque. Ça, c'est pas moi qui l'ai sorti, c'est Pierre-Julien. Ouais, on va déconfiner l'émission aussi. Ouais. Voilà, on s'affranchit totalement de la musique afro-américaine. Absolument, on a préparé une playlist plus éclectique que jamais, j'allais dire, au sein d'une même émission, avec de la cold wave, du thrash metal, avec du la pop rock, de la chanson française. Donc en fait, c'est simplement, on va décliner les thèmes, on a pris des thèmes... vous verrez tout au long de l'émission et puis on passera des morceaux, on vous expliquera pourquoi ces morceaux nous ont fait passer au confinement ou pourquoi on les a écoutés, ce qu'on a découvert aussi. Enfin voilà, ça sera un peu ça, c'est notre émission de, comment on dit, on va exorciser tout ça. Voilà, on va exorciser tout ça. N'hésitez pas à appeler Julien si, parce qu'il est là. Julien, il a déconfiné direct pour venir dans la cabine. Alors on vous donne son numéro de téléphone. 06. Donc voilà, et donc pour commencer, on va reprendre l'histoire du début de tout ce qui a paralysé le monde entier. Si j'ai bien compris, c'est une sorte de chauve-souris. Et alors, moi, ce qui m'a taraudé pendant un mois, c'était de me dire, est-ce que Batman était immunisé ? Ça, c'est le truc, personne n'a jamais parlé. Alors, j'ai suivi sur Internet. Batman, je sais pas. On écoute un premier mot. Attends, mais on parlait pas d'un pangolin à la base ? Je sais pas, moi, il y a eu chauve-souris, il y a eu pangolin. Je suis resté sur la chauve-souris. Donc, Batman ou pas immunisé, on écoutait Jam sur le thème de Batman. Voilà, donc c'était The Jam, le Batman theme, sorti en 77 sur leur premier album, il me semble, Stéphane. Sur leur premier album, In the City. In the City. Tu me disais tout à l'heure que t'écoutais les Jam quand t'étais un peu plus jeune. Oui, on parlait pas de même personnel. Je disais que j'écoutais les Jam quand j'étais en 5e, oui, ouais. Tout à fait. Parce qu'il y a... Juste au moment où ils ont arrêté, parce que c'est un groupe qui a très peu vécu, entre guillemets, quoi. Enfin, c'est le thème de l'émission, de notre côté. Et donc j'ai écouté plus ou moins l'année où ils sont séparés. Enfin, c'est terrible quand on est bien fan, mais bon. Ok, donc on va passer à la suite. Tu nous as prévu un groupe mancunien. Hein. Alors pour le coup là, c'est moi qui attaque fort. Ouais. Alors on reste même zone et même période, c'est-à-dire on monte un peu plus au nord de l'Angleterre. On est à Londres, on va à Manchester. Manchester avec le groupe pilier de tout ce qui s'est passé ensuite avec Manchester. Enfin, si on part de maintenant, enfin d'Oasis qui était le plus connu, si on descend avec les Stone Roses, avec The Smiths, avec New Order. Les piliers, c'était ce groupe qui s'appelait Joy Division, qui ont aussi pilier de la musique gothique. Alors pour le coup, eux, ils ont un morceau musical qui s'appelait Incubation. C'est un terme que tout le monde connaît après les 3 mois qu'on a passés, n'est-ce pas? Et pour rester dans le gothique anglais du Nord, on partira ensuite à Leeds avec un groupe donc gothique qui s'appelle Sister of Mercy. Et eux qui nous chanteront pour une chanson qui s'appelle Poison Door. Et en gros, le refrain, c'est de dire derrière la porte, il y a le poison. Tout ça pour mettre dans l'ambiance. Alors après, ça sera beaucoup plus joyeux. Hein. Là, on attaque fort, on parle du virus, voilà, de ce qu'on a vécu, de ce qui s'est passé. Après, rassurez-vous, ça sera plus joyeux. Enfin, j'espère. Oui. On a quand même été assez éclectique dans nos choix, donc oui, on vous rassure. J'ai découvert un truc en faisant des recherches sur la musique de Joy Division Incubation que tu vas nous passer, c'est qu'à l'époque, ça avait été pressé sur donc un 45 tours qui était fait en matière flexible. Et ça s'appelle un flexi-disc. Alors, pour le coup, pour revenir sur le thème de la cinquième, en cinquième... En cinquième, j'avais des cours d'anglais et c'était effectivement, il y avait ces fameux disques tout pourris là, qui étaient flexibles en fait. T'as fait des cours d'anglais. Ouais, il y a longtemps. Incubation, Joy Division, suivi de Sister of Mercy, Poison Door. rude. Ça a été rude. Oh, pas tant que ça. Non, si, quand même un peu. Alors, on arrive à la fin du thème virus. Là, c'était vraiment le thème virus, donc sur le poison, l'incubation, le thème de Batman. Avec une dernière chanson, alors, qui n'a encore rien à voir avec, la musique afro-américaine. Hein. On vous est prévenu. On vous est prévenu, on va plus loin. Alors, c'est Metallica. En gros, c'est une chanson qui signale il faut laisser la personne tranquille. En gros, comme si on disait au virus. Ce qu'on est en train de lui dire, en fait, là, en ce moment précis, elle est là, lâche-moi, quoi. Laisse-moi vivre ma vie. C'est ça l'idée de cette chanson. Un peu, ouais. Ben, ouais. Donc, mais on commence vraiment à voir le bout du tunnel avec les annonces qui ont été formulées par notre cher Premier ministre. Ouais, oui. Ça, oui, peut-être. Hein. On verra. C'est un autre débat. Enfin, je ne sais pas lesquels. Pas m'avancer. On va avancer sur Metallica. Ensuite, on va passer à un thème qu'on a choisi, qui est l'ambiance. C'est-à-dire que on était tous assez d'accord sur le fait que on a vécu un truc qu'on n'avait jamais vécu. Quand on parle de période extraordinaire, pour le coup, c'est le thème avec des ambiances qui étaient totalement hallucinantes. Enfin, et voilà. Et d'où le thème d'après la chanson de Metallica qui sera sur l'ambiance. Donc on va faire défiler des chansons que vous pensez à l'ambiance, comment on a ressenti un peu tout ça, quoi. Alors Metallica, Don't Tread on Me, c'est sorti en 91 sur leur Black Album, en fait l'éponyme, mais qui a été surnommé par les fans de ce petit nom joli, le Black Album. En référence à sa pochette quasiment noire, en fait, où on voit un serpent... Black, on dirait noir en anglais, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois mes contraintes, avec mon disque flexible ? Ça sert. Et donc, qui marquait un tournant dans le style de Metallica. Les fans de la première heure s'en souviennent, d'ailleurs. Metallica, Don't Tread on Me, sélectionné par Julien Beau. We'll be right back. Metallica, Don't Trade on Me sur le Black Album en 91. On arrête de vous embêter avec du métal et des choses ultra sombres. On passe sur un autre thème maintenant. Thème d'ambiance, ouais. Pas forcément plus joyeux hein, sur la première chanson qu'on va passer. Mais... Ah, mais j'ai pas dit qu'on passait sur quelque chose de joyeux. Hein. J'ai dit qu'on arrêtait d'embêter les gens avec du métal. Avec, le métal, on a enlevé une. Hein, ils ont échappé Iron Maiden, qu'on a hésité très longtemps à mettre aussi. Ouais, mais ça, c'est un grand classique du métal. Grand classique, effectivement. Ouais. Que j'écoutais en cinquième d'ailleurs. Le coquin. D'autre côté, t'es plus jeune, donc toi en cinquième, t'avais du retard, t'étais pas précurseur. Iron Maiden, ouais. il était déjà à la retraite. Bon, on arrive, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Enfin, c'est trois mois qu'on s'était pas vu, donc ouais. On se taquine un peu. Thème d'ambiance, donc là on essaie de vous sélectionner des morceaux qui nous aient pensé un peu à l'ambiance. Ouais. L'ambiance qui s'est abattue sur nous en l'espace d'une petite semaine, même pas, quoi, et de voir ce qu'il en est. Donc, le premier morceau, c'est un morceau. Je précise que, bon, évidemment, il y a toutes les situations qui ont été vécues un peu par tout le monde. Que là, on vous propose une playlist qui est un peu personnelle. Hein, donc, ouais. Voilà. Oui. On n'a pas. Notre côté, on aurait du mal à leur demander leur avis à nos auditeurs. Oui, bien sûr. Mais c'est bien de le préciser, on n'a pas l'ambition de voir tous les aspects de cette crise. Quoi. Non, c'est vraiment des morceaux où tous les trois, on s'est réunis, on s'est dit, allez, tiens, tel morceau. Par exemple, Metallica, c'est Julien. Ouais. Julien qui a fêté les 20 ans de Metallica avec. Au Stade de France. Explique-nous un peu tout ça. Alors, tu t'es retrouvé avec le chanteur de Metallica, c'est ça? Tout à fait. J'étais avec des amis, ils m'ont dit. Bon, petit problème technique. Je sais pas si l'autre. Il nous fait des grands signes. Ouais, il nous fait des grands signes, mais en tout cas, il a confirmé qu'il avait assisté aux 20 ans de Metallica à Paris, c'est ça, Bercy. Ouais. Stade de France, excuse. Ouais, Stade de France. Désolé. J'ai vu un peu petit pour Metallica, effectivement. On enchaîne sur la partie ambiance avec un premier morceau. Alors là, pour le coup, c'est moi qui l'ai proposé, qui a été validé. Un morceau de Lou Reed qui s'appelle Sword of Damocles. En gros, c'est l'épée de Damoclès. C'est un peu ce que moi, personnellement, je sais pas vous, mais je ressentais au tout début où, on faisait ses courses. On a l'impression qu'à toucher un paquet de, je sais pas quoi, on risquait de, à parler avec quelqu'un, on risquait de, à rentrer chez soi, on risquait de. Et donc, il y avait cette histoire d'épée de Damoclès au-dessus de la tête qui pouvait s'abattre n'importe quand. Elle est toujours un peu moins, faites gaffe quand même. J'en profite, moi je suis un ancien, parce que moi je suis de la génération, et vous savez pas tous les deux, je suis de la génération des sortez couverts. Et maintenant, après c'était sorti plus du tout. Donc ça va quoi. Je maîtrise. Donc voilà, premier morceau, Lou Reed, Sword of Damocles. Et puis après on parle de la suite. Damocles above your head. mix of morphine and dexedrine. We use it on the street. It kills the pain and keeps you up. You're very sore to keep. But this guessing game has its own rules. The good don't always win. And might makes right. The sword of Damocles is hanging above your head. It seems everything's done that must be done. From over here, though, things don't seem fair. But there are things that we can't know. Maybe there's something over there. Some other world that we don't know about. I know you hate that mystic shit. It's just another way of seeing the sword of Damocles above your head. Voilà, donc c'était Lou Reed, Sword of Damocles, sorti sur son album Magic and Loss en 92, c'était son 16e album. Bon, Lou Reed, il a eu un peu des hauts et des bas sur sa carrière solo, mais c'est un album qui se respecte pas mal. Il y a eu un changement de personnel en cabine là. Stéphane s'est transformé en Julien. C'est Stéphane, je suis là. Non. Comment non, ça va, Julien? Mais très bien, voilà. Très content d'être avec vous pour l'émission. En Détroit, il nous manque Benoît, on pense à lui. Ouais. Il est parti faire une randonnée dès qu'il a pu dans les Pyrénées. Il partait a bien fait. De Foix et allait jusque Perpignan à pied, c'est ça? Je crois, ouais. un petit pèlerinage voilà, pour se déconfiner. Ouais. Donc on lui fait un petit clin d'œil d'ici à Radio Montpaïs. Il sera là sûrement pour la prochaine émission. Là, la suite, alors avec... ma femme, on écoutait pas mal de musique pendant le confinement, je sais pas pour vous, je pense chez vous, la musique a fait partie quand même de cette période-là, ouais. Heureusement. Mmh. Et du coup, Dépêche Mode, Enjoy the Silence, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de silence dans la rue, un peu partout, même à la maison, voilà, on était un peu dans l'expectative. Et après, un son qui va bien bouger. Et du coup, Enjoy the Silence, t'as réussi à en profiter un petit peu de ce silence? Oui, oui, oui. Ouais. Ça fait du bien. Je suis silencieux, ma femme est silencieuse, donc on a pu en profiter. C'est la fête à la maison. Ça. Non, on a quand même parlé, heureusement. Mais voilà, c'est pour vous faire ressentir un peu le silence ouais. Qu'on a tous vécu. Et par contre, après, ça va rien à voir avec le silence. Un petit ACDC. Jailbreak. Oula, on va casser le silence, là, justement. Ouais. On casse l'emprisonnement, on casse le silence. Donc voilà, si on peut mettre ces deux sons, DJ Stéphane. Voilà, donc Dépêche Mode, Enjoy the Silence et AC/DC Jailbreak. Thank you. judge's gavel fell. Dory found him guilty, gave him 16 years in hell. Deux fois où on a ce petit problème de coupure hein. Net. Ouais. Ouais, c'est pas même un problème de. Je sais pas. Excusez-moi. Ouais. On dirait qu'il y a un problème. L'arrêt était violent, comme si on se prenait. Bon, après, la chanson était speed, donc. On parle de chanson speed, on va peut-être arrêter après de passer tous ces trucs de. Sauvage. Je sais pas, t'as pas un petit Robert Johnson là, au fond de ton sac, un petit MP3 histoire qu'on vienne vraiment en source. Non, même pas, parce non, que là, on mais... en est loin, même si ça reste ACDC du blues rock, il me semble qu'ils sont quand même revendiqués à la base. Oh, bah, ils ont joué pas mal de blues rockers, ouais, donc on n'était pas si loin que ça, même si. Après, ça reste du hard rock avec des riffs de guitare quand même qui dénotent par rapport à des blues traditionnels. Donc là, c'était AC/DC jailbreak, ça veut dire quoi? C'est une évasion. Prison cassée, ouais, évasion. C'est une évasion, je pense. T'as envie de s'évader, ouais. Ouais, ouais, ça... Enfin, j'y mettrais pas ma main coupée, mais. Non, mais si, ça ressemble. Ça ressemble à certainement à ce qu'on a ressenti quand on était entre quatre murs, pour ceux qui n'avaient pas de ni jardin, ni balcon, ni tout ça, quoi. Le fait de j'ouvre la fenêtre et je pars. On enchaîne dans nos ambiances, Pierre-Julien. C'est toi qui prends la main, là, je crois. Je prends un peu la main. Tu vas driver l'émission pendant quelques morceaux. Driver l'émission, c'est beaucoup dire. Disons qu'on va vous passer quelques titres qui vont dénoter par rapport à ce qu'on vient d'écouter. Alors, j'ai des goûts plus classiques, on va dire. Il faut savoir qu'on pensait tous les deux avec Pierre-Julien, on pensait vraiment que Julien était vraiment un rappeur. Et en fait, on se rend compte que non. C'est un hard rocker. Ouais. Bah, éclectique, hein, comme vous tous. Pas de Hellfest cette année, tu sais ça? Ouais, il y a quelques fournisseurs de bière qui doivent s'en mordre les doigts. Donc, écoutez, moi je vous ai choisi quelques chansons au titre évocateur. Alors, je suis allé piocher dans les années 60, les années 90. On va tout de suite écouter John Lennon, Isolation. Je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'expliquer hein, le non, titre. Non, tu peux envoyer, aller. Franchement, on a tous compris. Ouais. Ah, donc voilà, là, il n'y a pas besoin d'expliquer. Ouais. Après, il y aura The Verve. Donc là, on saute dans les années 90 avec leur Bittersweet Symphony. Alors ça, par contre, on comprend un peu moins. Ouais, mais c'est la symphonie amère, douce amère. Donc là, tu vois, tu es sur les idées de dépression un petit peu... Chose un petit peu plus profonde, c'était leur chanson la qui s'est le mieux vendue. Non, mais c'est celle qui s'est le mieux vendue de The Verve. D'accord. Ça les a fait un peu accéder à la scène internationale. Et d'ailleurs, il y avait une polémique là-dessus parce que il y avait une question de droit d'auteur. Il y avait eu des soupçons de plagiat par rapport à une chanson des Rolling Stones qui s'appelle. J'ai plus le titre en tête. J'ai dû l'avoir noté quelque part. Je vous le retrouve. C'est The Last Time des Rolling Stones. Et Mick Jagger et Keith Richards ont été longtemps crédités comme co-auteurs de la chanson, alors qu'ils n'étaient pas avec Richard Ashcroft pour écrire les paroles. Quoi. Mais les mélodies rappellent fortement The Last Time des Rolling Stones. En 2019, ils ont décidé d'abandonner les droits et de enfin laisser sa part du gâteau au vrai auteur de la chanson. Et enfin, Pixies, Where Is My Mind, donc un grand classique du rock. Hein. Je sais pas si t'en as entendu parler des Pixies. Oui, Pixies, je les ai vus deux fois sur scène, dans une fois en 90, 91. Donc Where Is My Mind, c'est en 88 sur l'album Surfer Rosa. On l'a entendu dans quelques films d'ailleurs. Je pense au générique de Fight Club de David Fincher. Et Janice et John, un film français de Samuel Benchetrit. Oui. Qui est super bien d'ailleurs. Très rigolo, oui. Ouais. Oui. Excellent ce film. Donc, je vous le recommande chaleureusement. Il est sur Netflix d'ailleurs, je pense. Avec Frank Black. Moi, ça m'avait surpris quand je l'avais vu sur scène en 90 parce que je ne m'attendais pas du tout. Je connaissais le son. Donc, le son Surfer Rosa, il est quand même vachement trash. Quoi. Enfin, c'était un truc rarement entendu. Enfin, c'était assez nouveau quand même. La façon de faire, la façon de jouer des morceaux très courts, très speed, avec des montées de guitare explosives. Et c'est vrai que nous étions scotchés quand on l'avait vu dans une petite scène à Lyon et il était arrivé, il était limite en jogging avec un t-shirt tout pourri. Bah, c'est le début du grunge en fait. Il est costaud, oui, voilà, c'est le début du grunge, mais lui il n'a pas de cheveux donc. Ah oui, donc, ouais. C'était le grunge sans jouer. Et donc quand j'ai dit, au début on s'est dit, ouais, c'est le groupe de première partie, puis le mec il a envoyé. Oh, la baffe. Ah, oui, tout direct. Ouais. Mais Where Is My Mind, c'est pas du tout ça. C'est plutôt belle mélodie, soft. Ouais, c'est vrai que c'est assez calme. Bon, il y a ce côté un peu barré quand même, quoi. Mais... Donc, Where Is My Mind, bon, je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'expliquer non plus. Hein. L'impression de parfois perdre un peu pied, je sais pas. Bon, moi, en tout cas, ça m'est arrivé par moments. Bon, il y a eu des hauts et des bas, comme pour tout le monde, je pense. Faut dire. Donc, John Lennon, Isolation, The Verve, Bittersweet Symphony et Pixies, Where Is My Mind. Et bientôt du joyeux, on vous rassure. Bon. Non? C'est sûr. Say we got it made. Don't they know we're so afraid? Isolation. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Isolation. girl, trying to change the whole wide world. Solution. The world is just a little town. Everybody trying to pull us down. Just a human. Stop. Ah, on aime bien les années 90 pour sa musique quand même. Donc c'était les Pixies, Where is My Mind. Tu les avais vus en 90, toi, c'est ça, hein, Stéphane? 90, 91, ouais, je crois. Au Trac à Lyon, exactement. Yes. C'est rude. De quoi? Oui, toi, je sais, t'as vu Metallica au Stade de France, oui, d'accord, c'est pas pareil. J'ai bien compris. Exprime-toi dans le micro. On est toujours dans notre notion d'ambiance, donc on a bien compris Where is my mad. Mm-hmm. Effectivement, ouais, certains jours, on pourrait se demander, même on perdre totalement la notion du temps, si c'est quel jour on est, ça fait combien de jours que je suis passé, enfin voilà quoi, oui. La dernière fois que je me suis lavé, tout ça. Couper les cheveux. Couper les cheveux. Ah, les fameux cheveux. Ou la barbe et la moustache. Ça, c'est le truc récurrent avec les joggers, on en parlera tout à l'heure, mais les cheveux et les joggers, c'était deux thèmes. Bref, vas-y. On reste dans les playlists parce que tu as toujours la main, Pierre. Je te rappelle que là, il y a quelques morceaux qui viennent de ta médiathèque. On reste un petit peu dans les années 90 avec Face No More, un titre issu de leur album Angel Dust de 92 qui s'appelle Harvey, et dont j'ai bien aimé l'ambiance un peu décadente. Voilà, le mec qui fait son petit speech sur bon, je suis chez moi, j'ai mon sofa, ma bouffe, je sais pas où sont mes gosses, etc. Donc voilà, il y avait des moments de décadence aussi, peut-être dans ce confinement. En tout cas, bon, ça a pu arriver. Et on va revenir un peu en arrière dans les années 60 avec des groupes que vous connaissez, les Doors, Strange Days. Là, je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'expliquer. Et les Rolling Stones, que j'ai vu au Stade de France d'ailleurs. Décidément. Voilà, pour rester sur J'y étais. Avec I Am Waiting sur leur album Aftermath. waiting for someone to come out of somewhere, waiting for someone to come out of somewhere. You can't hold out, you can't hold out. Oh yeah, oh yeah. You can't hold out, you can't hold out. Oh yeah, oh yeah. Waiting for someone to come out of somewhere. Waiting for someone to come out of somewhere. Il est 20h05, alors on a un petit peu de retard pour l'hommage traditionnel. On va le faire tout de suite avec Grégory Isaac, Night Nurse, infirmière de nuit, pour qui vous savez. It's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. Night nurse, only you alone can quench visitors. By love. prescription for me. She's the one, the only remedy. Buddha Truths, spéciale émission confinement, virus et tout ce qui nous est tombé sur le crâne depuis 2-3 mois. Donc vous avez bien compris, hein, pas de musique afro-américaine, pas d'histoire qu'on aurait pu relier avec l'actualité, parce qu'il n'y a pas que le virus, hein, on voit ce qui se passe aux États-Unis. On était aussi dans notre thématique en ce moment avec Minneapolis, mais bon. On a choisi ce thème, on a choisi de vous passer d'autres sons que de la musique afro-américaine. On y reviendra très vite, certainement fin juin, pour reprendre notre cursus historique sur le rock, a priori. Mais notre parcours est semé d'embûches, comme vous avez pu le constater. Il y a toujours des surprises, des invités, des choses comme ça. Et puis bon, ben voilà, des Covid. Des invités qui devaient venir et à voir plus tard. Quoi. On vous tiendra informé de toute façon, mais d'ici pour l'émission de juin, il y a de fortes chances pour qu'on reprenne l'historique sur le rock. On passe à un autre thème où là on s'est dit bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2-3 mois où on a eu le temps, comment on s'est occupé, qu'est-ce qu'on a découvert ou redécouvert, que ça soit enfin musicalement ou autre, hein, dans l'idée. Donc pour le coup, c'est moi qui attaque avec un groupe que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Et alors c'est bien parce qu'il y a un peu les deux trucs, c'est-à-dire que c'est à la fois de la découverte et de l'occupation, dans le sens où alors ça s'appelle The Black Keys. Alors The Black Keys, en plus, ça veut dire idée noire en anglais, enfin c'est l'expression. Pour le coup, ça pouvait coller avec ce qu'on pouvait ressentir. Mais alors ce qui est marrant, c'est que c'est un groupe que j'ai découvert et qui allait très bien avec une occupation, c'est-à-dire qu'il y a une vidéo. Alors si jamais, parce qu'on sait jamais, vous êtes reconfiné et que vous voulez faire du sport, plutôt que d'aller parle pas de sur... malheur Stéphane, non. Parle pas de malheur plutôt que d'aller sur YouTube chercher des trucs avec un prof de gym tanké comme pas possible en lycra machin, vous mettez la vidéo des Black Keys Lonely Boy, vous verrez une chorégraphie. Je vous en essayez dis pas de plus. La reproduire. Voilà, vous la faites, la chanson dure 3 minutes, pas 3 minutes, vous la mettez 3 ou 4 fois, ça fait 15 minutes de sport. Franchement, vous découvrez un super truc et de bon matin, ça vous met à la pêche. On écoute tout de suite les Black Keys. We'll be right back. On avait en premier morceau les Black Keys dont je vous parlais, pas mal pour faire du sport. Et alors le deuxième, c'était le Chaka Ponk Run Run Run. Ça, on en parlait, c'est pour ça que je rigole. C'était ma spéciale dédicace à tous ces joggeurs. J'ai jamais vu autant de joggeurs qui me soufflaient dans la tronche alors que j'avais mon masque très sérieux et qui arrivaient derrière. Bref. C'était assez bizarre d'ailleurs ce décalage entre l'impression d'un monde totalement arrêté et les gens qui couraient de partout. Ça, je sais pas si vous avez vécu ça. Il y a un côté étrange un peu. C'était l'une des seules permissions aussi pour aller se décourdir les jambes. Ouais, je crois qu'on a un jogger dans la cabine là, qui est en train de s'énerver. Après, t'arrivais à voir voilà, les vrais. Les vrais, et puis les. Enfin bon. Oui, non, mais les faux. Mais c'est très bien, les faux me dérangeaient pas. C'était plus le côté voilà, de sentir même une. À vous dire franchement, une fois j'en ai entendu un, mais la fenêtre de chez moi est ouverte, j'ai entendu le mec qui soufflait quoi. Enfin. Bref, donc c'est la spéciale dédicace au jogger de ouais, Chaka Ponk. Ce qui paraît quand on court, c'est mieux de souffler quand même. C'est mieux, mais pas souffler sur les gens. Cette période, c'est pas top. Bref, on reste sur les découvertes occupations. Et donc, l'occupation, on a vu le côté sport. Là, on va voir le côté un petit peu musical. Il y a des gens qui ont fait de la musique. À toi, envoie. Direct. On reprend la main, donc musicalement, c'était pas ça. C'est à toi de reprendre la main, Pierre-Julien. Ouais, vous m'avez fait une petite blague. C'était pas... Oui, c'était pas prévu. Ouais. On voit sur le Marcus King. Je vous remercie King pour le petit hommage. Beautiful Stranger. Mais je suis un peu mal à l'aise avec ça. Mais non. Marcus King Band, Beautiful Stranger, qu'est-ce donc? Alors, Marcus King Band, bah écoute, c'est un truc que j'ai découvert sur YouTube un peu par hasard. C'est un putain de guitariste. Honnêtement, il m'a scotché. Il jouait avec un mec qui s'appelle Billy Strings aussi dans d'autres vidéos que je l'ai vu. Mais bon, ce Franck Gaillard nous vient de Caroline du Sud et donc il a monté son groupe, le Marcus King Band. Voilà, formé en 2013, ils ont sorti 2-3 albums, 2 IP aussi. Et moi j'ai adoré cette chanson qui s'appelle Beautiful Stranger, où il est tout seul avec sa guitare dans une vidéo live au Pace Studio à New York City le 24 octobre 2019. Donc c'est récent et vous écoutez ça tout de suite. I know. Sur les découvertes, Pierre-Julien, mais on va changer là. Je vais parler d'un livre que j'ai découvert durant le confinement. Mmh. Pour le coup, alors moi, je ne sais pas vous, moi je me suis fait un trip New York. Ils ont été bien touchés aussi. Oui, c'était pas mal. Pas lié. En fait, j'ai commencé parce que par rapport au bouquin sur le rock qui se passe à New York, donc j'ai commencé deux bouquins et après j'ai pris donc une sorte de BD. C'est une sorte de BD, mais c'est pas vraiment une BD. Il y a des dessins. Ça parle de New York, mais d'une manière dont on n'a pas l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'on va pas parler de la Statue de Liberté, on va pas parler de tout ce qui est connu, mais c'est des croquis, par exemple des croquis de bouches de métro, de façades de magasins en 1930 et puis de nos jours, d'anecdotes, d'histoires. De BD et puis de personnages. Ça parle par exemple du cimetière de bateaux qu'il y avait à New York. Enfin, bref, ça s'appelle Les Entrailles de New York de Julia Vertz. Et donc, pour le coup, tout à l'heure, tu parlais de. On a passé un morceau de John Lennon. Il y a un croquis de l'immeuble où habitait John Lennon, là où il était assassiné, avec le croquis aussi de l'intérieur de l'appartement, enfin des appartements, comment ils sont disposés, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est un super graphisme, c'est un ovni ce truc-là. Et alors ce qui est marrant, pour le coup, c'est que ça parle d'anecdotes, et ça parle aussi de personnages, mais pas forcément connus, et qui ont vécu à New York. Et dans ces personnages, à la page 218, il y a Marie la typhoïde. Marie la typhoïde, qu'on appelle la cuisinière contagieuse. Alors là, pour le coup, je lisais ça alors qu'on était en plein confinement. Toi, tu vas partir, on est directement au restaurant. Hein. Ah oui, non mais sérieusement. Et donc, voilà, je découvre ça. Et donc, alors, c'est quelqu'un, comme beaucoup à cette époque, qui ne sont pas d'Irlande pour arriver à New York. Et donc, vers 14 ans, donc, elle émigre en Amérique et elle devient cuisinière. Et en fait, c'est une des premières personnes qui a été diagnostiquée, enfin, identifiée comme porteuse saine de la typhoïde. Donc c'est une forme de miracle scientifique qui est toujours étudiée de nos jours. Et en fait, cette personne, elle était cuisinière donc, dans des maisons et elle a contaminé et donc de fait tué un nombre important de New Yorkais, de familles, au début sans le savoir ou en le sachant, mais elle n'a jamais développé la maladie. Donc par exemple, on dit de 1900 à 1907, Marie changea souvent d'emploi et de nom, répandant ainsi la fièvre typhoïde à travers la nourriture qu'elle préparait de ses mains sales, contagieuses et jamais lavées. Partout où elle allait, les gens ne tardaient pas à attraper la fièvre et beaucoup d'entre eux moururent. Les chiffres ne sont pas très précis, mais on estime qu'elle est responsable d'une cinquantaine de décès. Voilà, donc moi je faisais ça pendant le confinement avec un virus qui tournait. Voilà, c'était un peu pour le côté à la fois la découverte du bouquin et ses anecdotes. Voilà, Les Entrailles de New York, je vous le conseille, c'est entre la BD, l'anecdote, le roman, c'est un ovni quoi. Voilà. Très bien. On va passer à la musique. Ouais, bon, on met un peu de musique, ça marche. Pour la suite, il y a un truc que j'ai pas mal écouté pendant le confinement, c'est Liam Gallagher, que j'aime pour diverses raisons, pour sa grande gueule déjà, et puis sa musique, bon voilà, je rentrerai pas dans le détail. Avec un titre tiré de son album Why Me, Why Not, et joué sur un album de session acoustique sorti en janvier 2020, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Ça s'appelle It's Alright Now. Et tout de suite après, on va écouter le groupe Obscur, autre découverte un peu musicale. Et là, c'est français. Il s'agit d'un groupe de Rennais, donc avec une esthétique un peu obscure, comme l'indique leur nom, hein, je pense. Mais une musique lumineuse qui s'appelle Apnea sur leur album Celesca. Et donc là, je vous ai choisi une interprétation live interprétée à Rennes, à l'Hôtel Pasteur, en décembre 2017. Donc Gallagher, It's All Right Now, et le groupe obscur Apnea. Well, you moved to LA first time under the law. Yeah, you had your phone, so you thought it's time to move on. But the pretty girls from the underworld made it easier said than done. Yes, soon enough you were hanging out, you were back where you begun. But maybe it's all. Flood. Everyone took up, they said they had enough. Since 26, since 40 licks, you've been moving through the fog. Yeah, you never said what you really meant. Did you think that it would stop? But maybe it's all. Just stay strange and drink away the emptiness. Paranoid, the SAS will end the game by kicking in your door. Thank you. Voilà, donc c'était donc le groupe c'était obscur. C'était le groupe obscur, Apnea, et avant on écoutait Gallagher, It's Alright Now. Et là, ben, il arrive quelquefois que Julien mette nos connaissances musicales à l'épreuve, dans le cadre d'un petit blind test, et je pense que cette heure est venue. Il fait oui de la tête derrière la vitre. Quatre morceaux, tu nous as dit. Hein. Quatre morceaux. Ouais. Alors, on va pouvoir envoyer après. Mmh. Ouais, oui, oui, absolument. T'es prêt, Stéphane ? Je suis prêt. Donc Julien, ben, alors, c'est quand tu veux. Par contre, le thème, c'est virus, c'est confinement, c'est tout ce qu'on a vu. Non. D'accord, ouais. Tu peux monter un petit peu le son parce que nous... C'est du rap. Allez, je vais avoir un peu de guitare en plan. Ah, moi j'ai le groupe de Chicano, c'est Los Angeles. Le groupe de Chicano, c'est Los Angeles. Ouais, le On n'entend rien du tout. Ah, ça me rappelle des sales soirées, ça. Putain, je connais, j'ai pas le titre. Pas l'artiste. My love has got no money, he's got. Ah, ça me rappelle des sales soirées, ça, quand même. C'est ça qui va. Moi, j'étais bon, ça, c'est pas du tout... Et alors, le Gala. Rapport avec... Gala, bien, déjà. Ouais, ouais, ça. Bah, les soirées déconfinées, tout ça, tout ça. Bon. Troisième chanson, mais... Ah, le silence. The Silencer. Sounds of Silence. Oui, il y a ça, The... Ah, pardon. Ah, c'est Queen. Non, je disais, il y a le couple The Silencer aussi. On n'entend pas en fait. Hein. Donc, ouais. On est désolé, chers auditeurs, si vous entendez la musique, nous on n'entend pas du tout, on n'a aucun retour. Donc on a du mal à participer, à répondre au quiz. Voilà. Vous avez peut-être mieux répondu que nous d'ailleurs. Mais c'est I Want to Break Free de Queen, évidemment. Les Berrues. Putain, yeah, la première note, tu l'as. Bah attends, qu'est-ce qu'on a mis sur les skills, c'était pas. T'as roulé ta bosse là-dessus, c'est ça. C'est quoi le nom de la chanson? T'as dit qu'est-ce qu'on a mis sur les skills. Ok, bon, on n'a pas été parti jamais. Non, on n'a pas été parti. Mais il y a eu un petit problème technique. Ouais, notre décharge, de... on n'avait voilà. Absolument pas le son. Le son, ouais, je ne prenais pas directement. Mmh. On va espérer qu'ils reviennent plus vite. Du coup, par rapport au morceau qu'on avait mis en place, c'est, je pense, on va passer une petite dédicace sur le côté famille, sur tous ses grands-parents. Tu me dis, Julien, si c'est ça. On est dans l'ordre. Donc voilà, les grands-parents qui n'ont pas pu voir leurs petits-enfants, les petits-enfants qui n'ont pas pu voir leurs grands-parents, ça a été un déchirement. C'est ma grand-mère des Mickey 3D. Et les speak tout. Oui, mais c'est quand même ma grand-mère des Mickey 3D avant tout. Ma grand-mère a quelque chose que les autres femmes n'ont pas. Ma grand-mère est une rose d'un rose qui n'existe pas. Du moins, à ma connaissance. Je ne vois pas s'immiscer l'ombre d'une chance ici-bas. plus lointains souvenirs remontent jusque dans ses bras. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi elle seule était comme ça. Passé, je vois son regard s'éclairer. Elle ne parle que des bons moments, fait main basse sur les mauvais. C'est malheureux, mais quand j'y pense, je ne peux pas imaginer un jour la France sans qu'elle soit là. Lointain souvenir remonte jusque dans ses bras. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi elle seule était comme ça. Ma grand-mère, Mickey 3D, une belle chanson, un bel hommage à toutes les grands-mères et bon, pourquoi pas à tous les grands-pères aussi. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour éventuellement passer un petit coucou à mes grands-parents qui sont à Croix dans le Nord, une région qui a été plutôt touchée, pas la pire, mais bon, un peu quand même. Et puis, sur les lieux, il y a un petit clin d'œil à Wuhan quand même à faire. Hein. Merci Wuhan. Voilà. Donc, sans eux, on n'aurait pas fait cette émission. Bah non. Voilà quand même. Donc, il se trouve qu'il y a un groupe que je découvrais pas longtemps qui est super bien. Ça s'appelle le Villejuif Underground. C'est des Français. Voilà, qui sont de Villejuif. Et puis, ils ont rencontré un Australien là-bas qui s'est greffé à leur groupe. Je ne sais pas ce que ça, l'Australien foutait à Villejuif. Par contre, ça mériterait un film. Ça mériterait un film. C'est un titre qui est issu de leur album, leur deuxième album sorti en 2019, When Will the Flies in Deauville Drop. C'est chez Born Bad Records et donc on a une chanson qui s'appelle Wuhan Girl, qui s'apparenterait, j'allais dire, peut-être à une chanson d'amour entre un Australien et une Chinoise. Guy on the Shanghai sky. Donc c'était le Viljoen Underground, Wuhan Girl. Voilà, bah, c'est bientôt la fin de l'émission, mais il y a encore un petit peu de temps, donc on va en profiter quand même. Bah, on va surtout en profiter pour dire, donner rendez-vous pour le 26 juin. Au 26 juin, on va reprendre avec de la musique. Sur le thème de l'émission. Oh. On va reprendre sur la deuxième, le deuxième opus du, sur le rock'n'roll. Le premier, ouais. on avait dressé, enfin surtout toi, Pierre-Julien, tu nous avais dressé un peu l'histoire, d'où ça venait, un peu tout ça. À ce sujet, très bon reportage sur Arte, Replay, American Epic, où vous retrouvez exactement tout ce que vous expliquez, Pierre-Julien, notamment sur le, la country, la Carter Family, et tout ça. Et le fameux, comment ça s'appelle ? Le yodel. Oui, voilà. Le yodel. Alors, blues. C'est vraiment excellent, j'ai vraiment retrouvé ce que tu as expliqué. Mm-hmm. Donc, et ben là, on va passer à la phase 2 du rock'n'roll, c'est-à-dire là, un peu où... Où ça commence, ouais, où toutes ces influences country, blues, ça commence à s'entremêler, ça commence à donner une musique efficace, faite pour les jeunes... Enfin, ça devient le rock'n'roll, quoi, un petit peu. Voilà, ça commence à scandaliser les anciens, tu vois. Enfin, voilà, la guerre intergénération. C'est ça. Et ça a été une musique générationnelle, le rock'n'roll, effectivement. Alors, ça va réunir effectivement les gens, mais ça va séparer aussi, parce qu'on va voir quand même qu'il va y avoir. On va commencer à prendre le côté blanc du rock'n'roll qui survivra, on verra, et puis le côté noir qui, lui, va passer à autre chose assez rapidement, finalement. Qui se sent, voilà, il y a certains musiciens qui se sentent un peu dépossédés de leur création. Et effectivement, ils vont passer à autre chose et voilà. Et donc, on verra ça le 26 juin. Pour l'instant, on finit sur notre thème du confinement, de tout ce qu'on a vécu ces derniers mois assez pénibles. En espérant que la police vous a pas trop choqué, vous a pas trop déconfiné. Mais non, ça leur a plu. C'est sûr. On a essayé de décloisonner un peu. Pour le coup, on reste là sur de la chanson française. On a vu qu'on était sur du Mickey Tardé, on a vu qu'on était sur du Vite Juif. Underground. Alors, c'est de la chanson française, mais chantée en australien. Mais la chanson française, quand même. Et là, a priori, on va essayer de vous caler deux morceaux de chanson française. Deux morceaux de chanson française, si tout se passe bien, si on a le temps. On fait vite. Le premier serait Charlie Lee Couture. Charlie Lee Couture, c'est l'histoire du loup dans la bergerie. L'histoire du loup dans la bergerie. En gros, bah, là, c'est pas un hommage, mais c'est l'idée des bars, parce que culturellement, ça reste très, très français. Et culturellement, pendant 2 mois ou 3 mois, on n'a pas eu accès aux bars. Non. Faut dire ce qu'il y a. Ça rouvre le 2 juin. Ça rouvre le 2 juin. Partiellement. Partiellement, ouais. Et, des espaces extérieurs, et voilà, c'était, hein, surtout, ouais, c'était l'idée de, voilà, de ces troquets. Alors, je sais pas, canis, moi, vers chez moi, on appelait ça des calis, les trucs qui ressemblent à rien, où vous rentrez. Mais quelque part, il y a quand même une âme. Oui, il y a une âme, il y a une fraternité aussi. Enfin, bon, c'est un peu ce qu'il décrit. Enfin, on verra ça avec Charlie Couture. Et puis l'autre morceau. Ça tiendrait pas sans les piliers, c'est ça ? Ça tiendrait pas sans les piliers, vraiment. Et on a tous vécu ça. Enfin, je sais pas. Moi, je sais que j'ai des souvenirs de. Voilà, de patron de bar. Moi, j'ai une anecdote d'un bar vers chez moi, donc je tairai la ville. Mais qui s'appelle Vol de Nuit, bar de blues, avec un patron, mais avec. La tête tirée du film Les Affranchis, je ne sais pas si vous connaissez, avec des avant-bras plus gros que mes cuisses. Et le mec, je ne sais pas, je devais avoir 20 ans, je parlais, enfin ça n'allait pas trop, après X vert. Et le mec, il me parlait, il ne répondait pas. Et puis au moment où il devait fermer, il va vers la devanture, il ferme son truc. Je me dis, il va me jeter, enfin, c'est un mec que je connaissais bien, mais quand même. Il se casse dans la cuisine, il revient avec 2 gros plats de spaghettis, il le pose et hop, on est parti jusqu'à 6h du mat. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça, c'est ce qu'il décrit, c'est ce qui a manqué pendant 2 mois, ces petits troquets, ces petits canifs. Enfin, voilà, J'en connais quelques-uns à Lille. Voilà, je pense qu'il y en a un peu de partout et il ne faut pas le perdre. Quoi. C'est ce qui manque à la culture française pendant le déconfinement et là, ça va revenir heureusement. Ouais. On y est. J'en avais un à Lille près du théâtre Sébastopol, comme ça, où on allait boire des coups avec les copains. J'ai plus le nom en tête, mais en gros, ouais, à la fermeture, quand on était un peu, bon, sur le retour, on va dire. Ouais, le mec, il fermait, on pouvait fumer à l'intérieur, il faisait un couscous pour tout le monde. Voilà, c'est le ça, rêve. C'est des moments d'échange voilà, qui ont manqué, ça tombe à beaucoup de gens, et j'espère qu'ils le retrouveront tous. Voilà, donc nous, en tout cas, on l'a retrouvé ce soir, ensemble. C'est vrai. Et la deuxième chanson après Charlie et les Coutures, c'est Barbara. Dis, que reviendras-tu ? Mais je pense qu'ils n'auront pas le temps de l'écouter. Le début. Donc on va écouter Charlie et les Coutures, l'histoire du loup dans la bergerie. Et Barbara ensuite. Quand reviendras-tu ? Bonne soirée à tous et à bientôt sur Radio Mon Pays et à Blood at Roots le 26 juin. À côté de la voie ferrée dans une impasse étroite, il y a un petit bar au papier plein journal, papier plein journal. Le vin pique la gorge, le pain des sandwichs, j'ai plus mou qu'une éponge, bien plus mou qu'une éponge. C'est pas un bel endroit, mais ça suffit pour boire un canon. Deux canons avant d'aller se coucher. Un canon, deux canons avant d'aller se coucher. Les vendredis soirs, à peu près vers 7h, on entend arriver déjà depuis le parking. Il fait voler la porte, puis il entre en hurlant. Salut la compagnie, salut la compagnie. Avec les yeux gonflés sur sa gueule de clochard, cicatrice au menton, mouchoir comme un foulard. Il s'appuie au comptoir et puis commence à boire en racontant une histoire. Celle du loup dans la bergerie, celle du missionnaire dans la havre. Il a vu toute la terre, il a fait tous les pays, il dit qu'il a été légionnaire. Alors on l'appelle comme ça, on dit tiens la légionnaire. Il dit pas l'Indochine, il dit qu'il a fait l'Indo, puis aussi l'Algérie. Il raconte que sa vie, et puis toujours la même histoire, son histoire, celle du loup dans la bergerie, celle du missionnaire accroupi. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris.